بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، أولا نسألك عن كلمات جديدة. طيب، غياب أبصص ودى يود يعني فلان شوز Comment on dit un sujet d'un vers? Comment on dit donner envie? Chawaka. Chawaka. Chawaka. Chawaka. Comment on dit l'observance d'une chose? L'observance? Mura'atun. Une chose captivante. شائق أمانة تحلى يتحلى معنى ما معنى عاد يعود طيب الأسئلة يعود أيوة فقط نعطيك المتعدي pendant les dictionnaires tu vois un verbe tu vois un domaine accroché. Ils veulent te montrer que le, en fait c'est un fi'l qui est muta'addi, c'est-à-dire qu'il y a un sab al-maf'ul. Il y a besoin tout le temps d'un... Non, mais souvent quand on met ça, c'est, pour, c'est un indice pour te montrer que le... Mais le verbe, il n'y a pas le had dedans. Là, ça c'est un domir. Taï. لماذا لم يحضر إبراهيم الدرس؟ لأنه كان مريضا. لماذا عاده صديقه يوسف؟ ليطمئن على صحته. عما سأل إبراهيم يوسف سأله عن أو عما سجعل على ما سجعل عن ماذا؟ نعم سيجيني دغوة مطلع عن ما بس على بعض يدو لتر يدو حرطة عن كي تغطي دون ما في كل عز وجل عما يتساءلون سفت شو عن على ما على سي عن ما سي عن نعم سأله عن ما موضوع سأله عن موضوع لا تقصد ما لا عن الدروس عن موضوع الدرس نعم كيف وصف يوسف الدرس الذي غاب عنه إبراهيم عجل الدرس وصفه ممتعا أو وصفه بأنه بأنه وصف بأنه ممتعا بأنه كان ممتعا أنا عجبين وصف العصير وصف بأنه ممتع ممتعا إذا كان فكلمة ممتعا كيف كان؟ بأنه ممتع وصف بأنه ممتع لا بس كان ممتعا أحسن بس لتو باسي الدرس بس تديد عن سفاعد ما الذي تمناه يوسف؟ أنا جبار كيف يوسف a espéré revolu تمنى أن أكون موجود في الدرس أن يكون هو أن يكون موجود في الدرس موجودا في الدرس ما موضوع الدرس الذي درسوه الآداب الإسلامية وما وما يجب الآداب الإسلامية الآداب الإسلامية أيوة هذا فهمو دخل نوف إليه لا دون العنوان تدي الآداب الإسلامية سنة إسلامية مجرور مجرور بعض في مضاف الآداب الإسلامية وما يجب على المسلم أن يفعل كم يوم غاب إبراهيم؟ يوم واحد يوم واحد غاب يوما واحدا ظرف يوما يوما واحدا هل كان الموضوع شائقا؟ نعم طيب ثم قلنا الخامسة كذا Je mettre les questions ou asila, ou plutôt les questions ou réponses. Rabel yanaou kana maridan. لماذا غاب إبراهيم أمس؟ نعم. عاده صديقه. من عاده؟ من عاد يوسف؟ طيب. ود عمر أن يقرأ الكتاب الذي اشتريته أمس. ما ود عمر؟ كان الدرس عن بعض الآداب الإسلامية. عما كان درسه؟ درس. نعم. نعم، هناك آداب يجب مراعاتها. هل هناك أشياء جديدة يجب مراعاتها؟ تقصد مراعاتها ثم مراعاتها. مراعاتها، أيوة، لفعل يجب. لا لا لا أكثر من الغياب عن العمل دون سبب. هل كل الغياب عن العمل عندهم سبب؟ لا تكلفت. T'es surchargé. Dis non, je multiplierai pas les absences sans raison. Ah, j'ai pas compris. D'accord, le hel, ça t'oxyre, le riel. J'ai pas compris. Je crois qu'est-ce que. Je crois qu'ils avaient dit non, la plupart des gens, les absents, en fait, ils ont pas si bon. Là, c'est un verbe. Oxyro, min aksara, oxyro. C'est pas. C'est ordine. Je crois que c'était genre non, la plupart des gens, ils ont pas de soucis. Ils ont pas de soucis. Ah, c'est pas tant. La oxyro. من ذاب من الفعل أكثر يكثر أكثر. ثالث ليزلمو من دي فاز الترجمة إن شاء الله. لماذا غاب إبراهيم ولم يحضر درس الأمس؟ درس الأمس. Il était absent. إبراهيم était absent. Il n'a pas été présent au Tarsus. C'est quoi les verbes que tu as utilisés? Hein? C'est quoi les mots que tu as utilisés? Attends. Non, c'est ça, Alice. Ah, ok, d'accord. C'est ailleurs? Ouais, ouais, plutôt l'autre. Alors, Youssouf Oukan, Ra Ibn Ems. Wayahoudou, Anna Mohammed. Anna Mohammed. Anna Mohammed. Anna Mohammed, il y a pas d'accord. Les riab, en fait, c'est comment on dit, c'est les absents, non? Quoi que tu veux dire? Les absents. La raib, absent. Oh, oui, on ne peut rien. Raibin, raibun. Alors, j'ai mis Youssouf, Kana, Raib, Kana, Raib, Raiban, vous dites? Raiban. Youssouf, Kana, Raiban, Ams, wa yawuddu anna Muhammadan, yathkuru lil Raibin, ba'd al fawaid. على آداب الإسلامية على الآداب الإسلامية. نعم. ترجمي يتذكر يود ترجم جملتك. Alors Youssouf il était absent hier et il veut que Mohamed lui le rappelle. Non, il veut que Mohamed rappelle à ceux qui étaient absents quelques fawaïd et quelques sont bénéficiés, voilà, quelques comportements islamiques sur le comportement islamique. Ensuite, en fait, moi j'ai cru que Riyab ça voulait dire absent encore. J'ai fait d'autres phrases encore et je me suis trompé. J'ai mis Al-Riyab, Ahabu Hadihi Al-Fawahid. En fait, ça n'a rien à dire. Improvise, Al-Riyab c'est l'absence. Ça veut dire quoi déjà? Al-Riyab c'est une absence quoi. Ah ouais, c'est l'absence. الغياب يدور الطالب. نعم يدور الطالب. إذا كثر الغياب لم ينتفع الطالب مثلا. اوكي دونك لي مرس كوا الأمانة شائق الجمهور. الغائبون أحبوا هذه الفوائد وقالوا أنه موضوع سائق. نجم الشعر. les ceux qui étaient absents ont aimé ce qu'ils ont appris, et ils ont dit que ce sujet était intéressant et qu'il était qu'il donnait envie. Ensuite, là, je sais pas, donc, j'ai mis wajib al muslim anna yata'allam kayfa yata'allam kayfa yata'allam bi ba'd al adab al islamiyya wa minha idha tasallama amanatan. Voilà. Là, tu te calmes là dans les phrases. Comme les gens, tu dis, il y a Jibal Moussim, il y a Tahalla, mais l'adab islamia. Non, je vais comme ça, moi, je vais mettre l'amana. Je vais amana le mot. Ah, ouais. Donc, ta phrase, elle fait une phrase beaucoup plus longue que. Yajibu al muslim yatahalla min al adab islamia wa minha rud al amana. Ah, c'est ça que j'ai mis. Je pense que tu as dit yajib al muslim an yatahallam. Ah ouais. Tout ça, t'aurais pu t'en passer. Ah, ouais, c'est bon. Pareil. As-sabir, c'est vraiment tes phrases en l'ordre. On a Rabba Ibrahimou, Walem Yahdour, Darsan MC. Darsan MC. Là, il n'était pas là, il a pas été. Il était absent, donc il n'était pas présent au Darsan MC. Ensuite, Zarahou Sadiqi. Là. Zarahou. صديقي صديقي صديقي صديقي كيف كي يكري مش با كويس اه سي با كويس انت تاتي دي معلومات سوفيزون بور تو رونت با كويس اه صديق هو صديق هو هو صديق هو اللي فاعل اه مي بوش با كويس صح نو peut-être des fois pour tester pour voir si mon tailleur creuse, mon derf, si t'es éveillé, tu fais attention à l'erreur. Zarahu sadiqa sadiqu sadiqu yusufu yatma'inna ala siqati. Donc son ami a visité Yusuf pour s'assurer qu'il allait bien. Son ami a visité Yusuf à casa. Qui est malade? Qui est absent? Ibrahim. Donc, salam alaikum. Qui c'est qu'il a visité? C'est Youssouf. Ah ouais. C'est pour ça que t'as dit toi. Ah en fait, Youssouf c'est un bédel en fait. Ah, ouais. En fait, c'est-à-dire c'est Youssouf. Son ami c'est Youssouf. Ah ouais. Donc son ami Youssouf l'a visité. Ah ouais. Donc son ami Youssouf l'a visité pour s'assurer qu'il allait bien. Ah ouais. Ensuite, Fariha bi ziyarati sadiqi farahan shadidan wa akhbarahu bima qala al-mudarris. Donc c'est il était content, comme ça, il était content de la visite de son ami. Une forte. Très content. Très content. Et il lui a. Il l'a informé. Il l'a informé de ce que lui a dit, de ce qu'a dit le Mudarris. Mais en fait. Ouais, qu'il y a un Mishkal, etc. Voilà. Sa'alahu Ibrahimu an darsil amsi. Ibrahim il a demandé par rapport au dars de hier. Ajabahu bi anna darsa kana mufida. Il a répondu que le dars était intéressant. Ou il était utile, il était profitable. Et le dernier, Zarahu Sadir. وكان درسا عن الآداب الإسلامية. نعم. أحسن. طيب نقول في الدرس الجديد عن القسم الثاني من الدرس في الموضوع ده الآداب الإسلامية. قل النهو وكابولا. يستأنف يستأنف. هذا يعني reprendre. recommencer. الكلام معروف. خفض يخفض بس. يخفض سي الامر. صمت سي لو سيلونس. رافع يرفع الصوت سي لوفي لا فوا لو فرير دو خفض. سلم يسلم سي لو فات دو باسي السلام. افتح يفتح سي لو فات دو فار دو لا بلاص. افتح دو لا بلاص. نعم. حفظ ثونا اي لو فات دو غاردي سي دير كومون سيكري بريزيرفي. رد للامانه سي لو فات دو روندر. خيانه سي pour faire de l'amana. L'amana, c'est la confiance. L'khiana, c'est la trahison. Hamida yahmadu, c'est le fait de louer. Nelhamd. Jahila yajhalu, c'est le fait d'ignorer. Jaza yajuzi, c'est le fait de rétribuer. Donc là tu vas lire le code d'Ima pour Ibrahim, on a sa parole Youssef, Inch'Allah. Fadda, ça a été très dur. Il s'est neuf Ibrahim, Ibrahim, Youssef, Iwara, ils ont fait un espace, normalement ça va être caché. Iwarahuma, عن الدرس الذي غاب عنه إبراهيم. Donc Ibrahim et Youssouf ont repris leur conversation à propos du ders auquel s'est absenté Ibrahim. قال إبراهيم أخبرني يا أحمد بما قال المدرس عن آداب الكلام والجلوس. Informe-moi, ou Ahmed, normalement je ne sais pas pourquoi c'est Ahmed, normalement c'est Youssouf, pourquoi c'est pas Ahmed. Informe-moi au Youssouf de ce que j'ai dit le professeur à propos du comportement lors des discussions des assises et des assises. إذا تكلمت فخفض صوتك وقول خيرا أو اسمت. Et si tu parles, alors baisse ta voix, c'est du bien, ou dites du bien ou alors tais-toi. Et le fait de baisser la voix, ça c'est pas l'azim, c'est l'asl, mais des fois tu peux lever la voix. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل لأعقب من النار بأعلى صوته. Lorsque les sahaba faisaient le wudu, ils disaient du coup de sa voix, prenez garde au talon du feu. Pour leur enseigner. Donc, ta'alim, tu peux lever la voix. Taïeb. قال هذا حسن لأن الإنسان أحيانا يغضب ويرفع صوته ويتحدث بكلمات تؤذي الآخرين. Il dit ça c'est bien. Car la personne, des fois, elle parle et se met en colère, elle lève sa voix. Et elle parle, elle emploie des paroles qui nuisent aux autres. وقال المدرس أيضا إذا أتيت مجلسا فسلم على الحاضرين قبل الجلوس. وإذا حضر من يريد الجلوس معك فأفسح له مكانا. نعم. البروفيسور قال أيضا إذا جئت تقرأ النسيز alors passe le salam aux gens qui sont présents. Les hadirun, c'est le aks de l'ra'ibin. Avant de t'asseoir, tu passes le salam avant de t'asseoir. Et si des gens viennent pour s'asseoir également avec toi, leur fais-leur de la place. Et tambif, quand tu rentres dans une halaqa, il y a des gens, tu passes le salam, ils sont déjà tous assis, tu fais un salam wahid yakil jamia. Au lieu de dire assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, à chacun serrer la main. Même si les gens sont ensemble, t'arrives, tu dis assalamu alaikum, tu passes là. وماذا تفعل إذا قابلنا وماذا نفعل إذا قابلنا بعض الأصدقاء في الطريق؟ Que devons-nous faire si jamais nous rencontrons certains de nos amis sur le chemin? إذا قابل المسلم أخاه المسلم سلم عليه وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Donc si le muslim rencontre son frère muslim, il lui passe le salam, et le meilleur des deux est celui qui commence par le salam. وَمَاذَا قَالَ عَنِ الْأَمَانَةِ Qu'a-t-il dit à propos du dépôt? أَمَّا الْأَمَانَةُ يَجِبُ أَنْ نَحْفَظَهَا لِأَنَّ حِفْظًا حِفْظَ الْأَمَانَةِ وَرَدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا خَيْرٌ وَوَاجِبٌ Quant à la amana, au dépôt, il est obligatoire de la garder, car le fait de la garder et de la rendre à ces gens, à cela est une bonne chose et obligatoire. Quant au fait de la trahir, trahir la amana, cela est du mal, cela est illicite. Et qu'en est-il du comportement lors du manger et du boire? المسلم لا يأكل إلا طيبا وهو يبدأ الأكل بسم الله ويأكل مما يلي ثم يحمد الله حين ينتهي من الطعام. Le musulman ne mange que de la bonne nourriture, c'est-à-dire ce qui est halal. Il commence sa nourriture en nommant Allah, en disant Bismillah, et il mange de ce qu'il y a devant lui. Ensuite, quand il a fini, c'est-à-dire il loue Allah parce qu'il a fini le ta'am. Et il manque un truc là, c'est quoi? Un truc important qu'il n'a pas cité. Qui est le même hadith, justement, à la base. Il y a Roulem, Izakalta, Samilla, Wakul, Wakul, Yaminik, Wakul, Mimayalik. Ah ouais, on avec la main droite. Tu manges avec la main droite. C'est obligatoire. لقد كنت أجهل بعض هذه الآداب وكنت أنسى أن أقوم بآداء البعض الآخر. Il dit, certes, j'ignorais certains de ces comportements et j'oubliais d'en appliquer certains à certains moments. Ou plutôt d'autres. J'oubliais d'en appliquer certains autres. Non. الآن قد عرفت هذه الآداب وسوف نعمل بها. Et maintenant, nous connaissons ces comportements et nous allons par la suite les appliquer. Inch'Allah. Jazallahu mudarrasana khayran wa waffaqana ila al-amal bi hadhihi al-adab al-karima. Que Allah rétribue en bien notre professeur et qu'il nous accorde le succès dans l'application de ces comportements nobles. Tayyib. Comme d'hab, ça va être l'asila wajib al-bayt. Awalan. ما الموضوع الذي استأنف إبراهيم ويوسف الحديث عنه؟ Quel est le sujet que Ibrahim et Youssouf ont repris؟ يعني la discussion qu'ils ont repris autour de quoi؟ ماذا يفعل المسلم عند الكلام؟ Que fait le musulman lorsqu'il parle؟ Lors de la parole. كيف يتكلم الإنسان إذا غضب؟ Comment est-ce que l'insan parle lorsqu'il est en colère؟ ماذا يفعل المسلم إذا أتى مجلسا؟ Qu'est-ce que le musulman fait lorsqu'il se rend dans une assise؟ ماذا يفعل المسلم إذا قابل المسلمان مسلمان في الطريق؟ Qu'est-ce que le musulman fait lorsqu'il rencontre un musulman sur le chemin, sur la route؟ ماذا يجب على الإنسان إذا أعطي أمانة؟ Qu'est-ce qu'il est obligatoire à la personne de faire lorsqu'il reçoit un dépôt؟ هل للأكل والشرب آداب أذكرها؟ Est-ce qu'il y a un comportement à voir pour le manger et le boire؟ Cite-le. ماذا كان يجهل إبراهيم؟ Qu'est-ce qu'Ibrahim a ignoré ou ignorait؟ ما واجب يوسف وإبراهيم بعد أن عرف هذه الآداب؟ Qu'est-ce qui est obligatoire pour يوسف et إبراهيم après qu'ils aient su ces comportements؟ ما جزاء خيانة الأمانة؟ Quelle est la rétribution de la trahison du dépôt؟ نعم. طيب, aujourd'hui on va accourter le ders car on a commencé un peu tard. On va se contenter de faire certains exercices. Tout ce qui est namouzage, on laisse. On va te laisser pour l'île Rad. Le sadis qui le fait de répondre aux questions. قال كان يتحدثان عن صفات المسلم يتحدثان عن كاركتيرستيك دي مسلم نعم للطريق آداب وي il y a un comportement pour le chemin pour la route allez quand tu marches sur la route إذا غضب إنسان ورفع صوته parce que l'insan se met en colère il lève sa voix إذا أتيت مجلسا فسلم على الحاضرين quand tu te rends dans une assise tu salames aux gens qui sont présents الأمانة هي حفظ حق الآخرين. الأمانة, la confiance, c'est le fait de préserver le droit des autres. تؤدي الواجبات دون تأخير. Que tu accomplis les obligations sans tarder. يجب على الإنسان أن يأكل مما يليه. C'est obligatoire à la personne de manger ce qu'il y a devant elle. عرفت كثيرا من الآداب الإسلامية في هذا الدرس. J'ai connu beaucoup des comportements islamiques dans ce درس. طيب. Tu vas faire également Assamin. C'est de compléter les ibara, expression citée là, de toi-même. Donne une fin, toi tu fais le début. قال Hina yatubunaha. Au moment où il la demande. Yajibu hifzuha. Obligé de la préserver, de la garder. Illa tayyiban. Que du bon. Khayran. Ma'louf. Khiyana. Khayran. خلاص نكتفي بهذا اليوم ان شاء الله تعالى تمام اليوم درس خفيف قيل هنا والحمد لله رب العالمين